La bague par Henri de Forges. Le train rapide de Bordeaux-Paris venait d'entrer en gare d'Angoulême. L'arrêt n'était que de 5 minutes et les voyageurs pressés se hâtaient. Aux portières, les étrangers jetaient un regard curieux sur le grand hall enfumé qui allait, dans leur esprit, marquer le souvenir de la capitale charentaise, quand ils aperçurent, conduit par le chef de gare en personne, casquette basse, un groupe qui, longeant les wagons, cherchait une place. Une demi-douzaine de bambins, un grand jeune homme et une jeune femme, accompagnaient un vieillard à cheveux blancs à longue barbe. « Par ici, vous serez bien. »« Non, plus loin. »« Voilà, voilà !» cria l'un des enfants. « Il n'y a qu'une dame dans ce compartiment. » Et toute la nichée se bouscula, se précipita, s'accrochant au marchepied. « C'est vrai, monsieur Dabnel, » fit le chef de gare, « vous serez tranquille ici. Les coins sont libres, ce qui est rare de nos trains, chargés de monde à ses fins de vacances. » Les employés fermaient les portières. Il n'était que temps. Le vieillard était monté et debout, tendait ses mains, répondait à 20 questions, à 100 recommandations de dernière heure. « Votre foulard, votre calotte, votre couverture, vos journaux, prenez garde au courant d'air, baissez bien la glace. » Les plus petits se hissaient pour l'embrasser. « À l'an prochain, n'est-ce pas ?»« Oui, oui, si je suis de ce monde. Je suis si vieux. »« Oh non, non, vous êtes jeune, très jeune, vous êtes éternel. » Les cris se perdirent dans le coup de sifflet strident de la locomotive, et le train s'ébranla au milieu du tapage des plaques tournantes. M. Dabnel allait s'installer quand le convoi s'engouffra dans le long tunnel qui suit la gare d'Angoulême. Une lampe faiblement éclairait le compartiment, et sa lueur ne permit pas au vieillard de bien distinguer sa compagne de voyage, assise dans un coin opposé au sien, et qui, la figure cachée sous une voilette, semblait somnoler. Le jour revenu, il mit en ordre ses petites affaires, sa valise, sa couverture, ses journaux, ses livres, et chaudement enveloppé les pieds sur la bouillotte, il regarda ses voisines. Elle dormait, car entre ses mains gantées un livre s'était refermé, inachevé. Son voile lui cachait les traits, et M. Dabnel vit seulement qu'elle avait comme lui des cheveux blancs. Alors, fermant les yeux à son tour, il songea. Reviendrait-il faire en Charente ce séjour annuel qu'il aimait tant ? À 78 ans, il avait toute raison de redouter la mort. Elle ne pouvait plus le prendre en traître. Dans son année de travail, travail acharné toujours en dépit de l'âge, il avait ses quelques semaines de repos excellent, au milieu des siens, dans un petit coin de campagne fleurie. Tous le choyaient, le cajolaient, le promenaient à qui mieux mieux, et il retournait à Paris reprendre sa tâche coutumière, reposé, ragaillardi. Longtemps, M. Dabnel avait parcouru le monde, habité les Indes, l'Amérique, entreprenant d'immenses travaux de canalisation et de chemin de fer. Tout le monde connaissait cet ingénieur éminent, fils de ses œuvres, qui, à force de travail, était devenu l'un des premiers constructeurs du monde. La ville lui avait donné toutes les récompenses qu'il en pouvait attendre, les honneurs, la fortune. Mais jamais il n'avait cessé de travailler, jamais il ne cesserait, gardant son intelligence toujours nette. Pourquoi s'arrêter? Pourquoi ne pas continuer la tâche commencée, jusqu'au jour où la mort le faucherait tout d'un coup, comme le vent abat les grands arbres séculaires le long des routes? Il n'avait pas de foyer, pas d'enfant, pas d'épouse. Sa famille consistait en ses neveux chez qui il allait passer chaque année la fin de l'été. Aussi, malgré lui, se sentait-il à cette heure du retour l'âme triste, les pensées sombres. À un moment, sa compagne de voyage toussa. Instinctivement, M. Dabnel se leva pour fermer une glace restée entrouverte. Une voix douce murmura « Je vous remercie, monsieur. » Il se retourna, d'un mouvement brusque. Cette intonation ne lui était pas inconnue. Se trompait-il? S'illusionnait-il sur une ressemblance? Un peu hésitant, il répondit « Je vous demande pardon d'avoir laissé ouvert. » Elle aussi, sa compagne, eut un tressaillement. Elle tourna la tête de son côté, puis le silence, un instant rompu, recommença. Mais maintenant, dans l'ombre de ce wagon déjà obscur sous la nuit tombante, les deux voyageurs s'observaient. Soudain, sans mot dire, l'inconnu défit sa voilette, découvrit son visage ridé par l'âge, mais fin, régulier encore et révélant la triomphante beauté d'antan. M. Dabnel se leva, ému, très pâle. « Louise, » fit-il. « Oui, moi. » Il y avait tout un roman entre ces deux êtres, autant lointains, un de ces romans d'amour délicieux, qui commencent dans la joie et que la vie, impitoyable et sotte, brise soudain. Il y avait eu des fiançailles interrompues par des questions de famille, un chagrin fou pour tous les deux, avec une grave maladie pour la jeune fille, tandis que, désespéré, lui était parti au loin à l'étranger. Et depuis près de 50 ans, l'inconnu, le silence. Il avait fallu pour se retrouver ce hasard de deux voyages qui se rencontraient, sans but commun pourtant, et la main d'un enfant choisissant ce compartiment plutôt qu'un autre. Une oppression pesait sur le cœur de M. Davenel. Tous ses souvenirs revivaient en lui, aussi nets qu'au premier jour, souvenirs charmants et douloureux pour lesquels il avait transformé sa vie, brisé son bonheur, vécu en solitaire, dédaigneux d'autres joies du cœur. Et il regardait avec une émotion indicible cette femme qu'il avait tant aimée, une aïeule maintenant, elle aussi, comme lui. Il n'osait parler. Il lui semblait qu'il aurait trop souffert d'apprendre quelle avait été sa vie depuis le drame. Toute question lui faisait peur. L'ignorance ne valait-elle pas mieux? Elle non plus ne savait pas ce qu'il était devenu. Peut-être avait-elle, un instant, suivi sa carrière par les journaux, compris que cet homme en qui ses parents n'avaient pas eu foi parce qu'il était pauvre, avait triomphé de la vie et rempli sa promesse d'être un jour quelqu'un. Mais sans doute il s'était fait un foyer. N'y avait-il pas tout à l'heure à la gare un jeune homme, une jeune femme et des tout-petits qui l'embrassaient? Quel changement depuis tant d'années! Cette barbe blanche, cette taille voûtée. Il s'était reconnu tout de suite, pourtant. Un mot banal, un regard avait suffi. M. Davenel prit son courage. « J'ai souhaité de tout mon cœur, » balbutia-t-il, « que vous soyez heureuse. Moi aussi. » Il voulut parler davantage. Sa bouche esquissa une phrase, tout bas, presque un souffle. Ne pouvait-il, maintenant que le temps avait fait son œuvre, savoir ce qu'avait été l'existence de Louise? De qui était la femme? Si elle était heureuse, si un autre avait su lui donner ce qu'il avait rêvé pour elle? Ne serait-ce pas consolant de connaître qu'elle avait eu sa part de joie? Un sifflet strident déchira l'air. « C'est à Poitiers que je descends, » fit la voyageuse gravement. « Déjà ?» Elle baissa la tête. Le cœur de M. Davenel se serra. « Quoi ? Elle allait le quitter, sitôt sans qu'il ait eu le temps de lui rien dire, de lui demander ? Alors, il eut le désir fou, invincible, de savoir à tout prix, fût-ce d'un mot, le sort de celle qu'il avait tant aimée. Elle aussi, sans doute, eut la même pensée, car elle demanda. « C'était votre fils, ce grand jeune homme, qui vous conduisait à la gare ? Non, » fit-il tremblant, « je n'ai pas de fils, je ne suis pas marié. » Celle qui avait été Louise le regarda longuement comme pour lui dire merci. Elle était trop émue pour parler. Le train était en gare. La nuit était venue et des gens sur le quai s'empressaient. À son tour, il se mit à interroger. Mais elle, lentement, déganta sa main gauche et la lui tendit. Dans un éclair, une pensée traversa l'esprit de M. Davenel et il hésita. La main gauche, c'était la main de la bague, de l'alliance avec un autre, le signe de l'oubli. Ses yeux brouillés ne voyaient pas et pourtant il ne pouvait rester ainsi, hésitant. Se courbant alors, il prit la main pâle et la regarda. Et tout à coup, sa figure s'illumina d'un sourire. Il se courba davantage et, respectueusement, mit un baiser sur la main. Elle ne portait pas d'alliance. La portière s'ouvrit, une ombre descendit, se retourna, puis se perdit dans la foule, et le vieillard reprit sa route vers Paris, vers son foyer solitaire. Mais il pleurait, heureux comme autrefois, comme au jour de ses fiançailles. Plus heureux peut-être encore, car le geste de cet aïeul avait été une réponse. Et tous les deux maintenant savaient qu'ils étaient l'un et l'autre demeurés depuis près de 50 ans, fidèles à leurs souvenirs. C'était La Bague par Henri de Forges.